Bonjour Paulin. Bonjour Serena. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire les Top Cruise des films qu'on voudrait revoir. Tout à fait. Top. C'est les Top Cruise. Alors Paulin, c'est quoi pour toi les films que tu voudrais revoir? Voilà. Top Cruise des films à revoir, donc je l'ai pris forcément personnellement, c'est bien moi sûr. Qui m'en suis chargé, c'est pas toi, donc peut-être que toi t'en as d'autres que t'as envie de revoir, tu nous diras au pire. Les films que j'aimerais revoir, il y a plusieurs raisons, je m'en suis noté 4. Raisons ou 4 films? 4 films. Ah ok. Mais 4 raisons aussi finalement. Ouais. Le premier c'est Legend, que j'aimerais revoir. Parce que je sais que quand je l'ai vu, ça a été une souffrance absolue. J'étais pas dans le bon mood, tout ça. Et j'aimerais quand même le revoir pour essayer d'être peut-être un peu plus neutre, ou en tout cas de comprendre, de voir. Parce qu'il y a des choses quand même que, tu vois, il y a Tim Curry, des trucs comme ça, les quand costumes, même, les accessoires, les machins, il y a des trucs quand même fun. Et j'aimerais comprendre en quoi c'est culte pour certaines personnes. Et je sais que quand je l'avais regardé, il m'avait tellement saoulé que voilà. Donc je me dois, pour d'être honnête et de redonner une chance à ce film. Oui, aussi parce que t'as vu toutes les bouses qu'il a fait après. Exactement. Et qu'il dit, non, et que peut-être il est moins pire. Okay. Après, je me suis dit, dans le top 3, j'aimerais bien revoir Magnolia. Parce que c'est un film, je pense, que tu peux le revoir plein de fois et que tu vas toujours retrouver des petits trucs. Parce que c'est comme si un film choral et tout, il y a plein d'histoires, il y a plein de trucs un peu plus fin, sensible, et que j'aime bien l'ambiance dans laquelle il te met ce film. Complètement. Un peu mélancolique, des fois grave, mais en même temps touchant. Enfin, et je pense que c'est un film qui est sympa à revoir. Surtout que moi, je ne l'avais pas vu avant. Je l'ai vu qu'une fois, du coup, je l'ai vu pour le podcast. Ouais. Donc je me dis, celui-là, j'ai envie de le revoir. Tout à fait. Numéro 2, film pareil que j'ai découvert grâce au podcast que je n'avais pas vu avant, c'est La Firme. J'aime bien, et j'aime bien les thrillers, donc je me dis genre, c'est un thriller que je pourrais me regarder de temps en temps parce que il est agréable, il met un bon mood, c'est la Nouvelle-Orléans, enfin il est bien foutu, voilà. Ok, donc, je m'attendais pas à La Firme. Ah ouais, trop bien, tu vois. Et numéro 1 le film, vraiment, je pense que j'ai le plus envie de revoir, et c'est aussi lié au podcast, c'est Taps. Mais je suis d'accord. Parce qu'en fait, on l'a vu du coup il y a plus de 2 ans. Pour démarrer le podcast, c'est le truc qu'on n'avait jamais vu, qu'on ne connaît pas. Et tu le regardes, tu découvres, c'est complètement fou. Et en fait, je me dis, maintenant qu'on a tout vu, j'ai vraiment envie de revoir le tout premier pour me dire qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qui n'était pas là. Et puis en plus, c'est un bon film. Enfin, oui, moi, j'ai plus un bon souvenir. Ouais. Qu'on a, ça se trouve, on l'a très mal noté au cruisomètre, tu vois, c'est pareil, c'est ce genre de truc que tu te dis à posteriori, est-ce que finalement, c'est pas, il y a pas plus de choses dedans que ce qu'on a vu, enfin, et du coup, j'ai vraiment envie de le revoir, en plus que j'ai un souvenir que c'est un bon film quand même. Je suis d'accord, ouais, voilà. Très bien. On peut partager ce top, du coup, où tu veux. Là, très bien. Et toi, t'en avais d'autres ou non? T'avais pas de. Non, j'ai Taps. C'est tout. Bah, Taps, je trouve, ouais. C'est les trucs qui revenaient souvent aussi pendant les podcasts, quand on se disait, ah, il était bien quand même. Ouais, Taps, ouais. Il est bien. En plus, il fait un méchant, enfin, c'est bien. Ouais. Voilà. Bon. Super, merci Paulin. Eh bien, avec plaisir. À bientôt. À demain. À demain.